On peut plus fumer dans les bars. On nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. On peut plus rouler avec tous ces radars. Les impôts augmentent sans arrêt. Mais bon sang, bientôt, on va payer pour respirer. Oh. Au moins, quand j'écoute British Connection, je passe un bon moment. Je découvre de sacrés bons groupes et c'est gratos. Je m'appelle François Poulain, je suis photographe rock. Je suis né en 1965. Je suis entré à l'école photo des Gobelins en septembre 1986 dans la section laboratoire. J'y ai passé 2 ans. Je suis passionné de musique et grâce au fait que je jouais dans un petit groupe, je suis rentré dans l'équipe de Capsule Rock. C'était une association d'organisation de concerts à Champs-sur-Marne dans le 77, en banlieue est de Paris. J'y suis rentré en tant que bénévole et photographe. C'est là que j'ai rencontré Maxwell qui m'a entraîné dans l'univers du fanzina via son légume du jour et ensuite via Bulangereux dans lequel il collaborait. C'est aussi là que j'ai rencontré une foultitude de groupes avec qui j'ai noué de précieux contacts. Et c'est aussi là que j'ai rencontré Philippe Renaud, qui dirigeait une autre asso d'organisation de concerts, le Fahrenheit, à Issy-les-Moulineaux, dans le 92, dans la banlieue ouest de Paris cette fois. Et il m'a proposé de venir faire des photos dans cette salle. J'ai donc pu photographier à tout va dans ces 2 salles pendant près de 10 ans. Toutes ces photos accumulées m'ont permis de sortir le livre « Scène de rock en France » avec Maxwell au texte. Ce livre est sorti en mai 1993 chez Syros Alternative. Et il a bien marché puisqu'il fut un succès de librairie, puisque tout a été épuisé en 1 an. J'ai ensuite toujours avec Maxwell créé l'expo « Scène de rock en France ». C'est une expo didactique, itinérante, toujours disponible. On y trouve des grandes photos, des textes de présentation de groupe, des vinyles, des pochettes de disques, tout un tas de bric-à-brac. J'ai ensuite créé seul 4 autres expositions qui s'appellent Rock à vif, Gueule de rock, Grain de scène et Aller les filles, une expo 100% féminine. Ces expos sont toujours disponibles. J'ai commis quelques pochettes de disques. Ma spécialité est la photographie de scène en noir et blanc. J'ai fait des parutions dans des fanzines, dans la presse spécialisée et la presse mainstream. Par exemple dans Rage, ou dans Roxanne, dont j'ai fait la première couverture du premier numéro avec Nirvana, mais aussi Best, Rock'n'Folk, Libé, Le Monde, etc. Je m'apprête à sortir une monographie, c'est un recueil de photos, si tout se passe bien, en décembre 2024. Et maintenant, je vous propose d'écouter un morceau de Berrurier Noir qui s'appelle Nuit Apache, un morceau qui ouvre le 3e album du groupe, Abracadaboum. C'est sorti en 1987 chez Bondage. Allez, allez, allez, laisse-moi être la nuit. Allez, allez. Maxwell avait dans l'idée de sortir un numéro spécial de son fanzine, Le Légume du Jour. Il voulait consacrer ce numéro spécial à la photographie de rock. Mais en fait, de fil en aiguille, le projet a évolué en un projet de livre. Un livre qui évoquerait la scène rock française, indé et alternative. Le livre est composé de mes photos, il y en a à peu près 220, hormis deux ou trois exceptions, et accompagné des textes de Maxwell, des textes de présentation. 160 pages, 150 groupes présentés, des activistes, sur à peu près 220 photos noir et blanc. Il nous a fallu 2 ans pour le faire. J'avais déjà une bonne partie des photos, faites principalement à Capsule Rock et au Fahrenheit, mais pas seulement. Et il nous a fallu sillonner toute la France pour rencontrer et photographier des groupes et des personnages. Tout ce projet s'est déroulé sans aucune subvention d'aucune sorte. On a dû tout payer de notre poche. Et il est sorti en mai 1993 chez Syros Alternative. Et on peut dire que ce fut un succès de librairie car les 4000 exemplaires furent écoulés en un an. Alors hormis le fait que certains le décrivent comme un livre culte, et bien que pour moi ce fut une réussite car il évoquait le plus fidèlement possible l'état de la scène rock en 1992, il fut néanmoins pour moi une déception dans l'impression. L'impression était vraiment crade, pas jolie. Ça ne mettait pas vraiment en valeur la qualité de mes photos. Et cette malédiction, j'espère bien la conjurer avec mon nouveau projet Indocile. On s'écoute maintenant Osmose 99, un titre de Parabellum. C'est sorti sur le P4 titre « 4 garçons dans le brouillard » en 1987 chez Gouniev Mouvement. Pardon Dad, British Connection. Pardon Dad, British Connection. Le président de l'extrême con nous a dit qu'il fallait tenir si la crise faisait maigrir. Donc les simples sont pas rupés, mais ça va pas trop déranger. De toute façon, on n'a plus rien, qu'on a déjà bouffé tous les chats. Tu vois, il n'y a pas ça, ça va. Je ne fais plus tel concert pour moi. Public n'existe plus, c'est même pas ce qu'il est venu. Faire un marché ma sono, j'ai dû faire. We'll be right back. Facile, c'est le titre de mon nouveau projet. C'est en fait un recueil de photographies, une monographie. Il n'y a que des photos noires et blanches, sans aucun texte, juste une légende qui indique le nom du groupe, le lieu et la date. C'est un livre de 336 pages en format 20 par 28. On y trouve les photographies de 143 groupes différents, dont la majorité sont français, mais on y trouve aussi quelques groupes internationaux, plus 24 personnages de la scène rock, les activistes. En fait, les archives de la zone mondiale sont venues me chercher pour ce projet car ils savaient que je le mûrissais depuis de très longues années. Et l'idée de le sortir chez eux m'était parue comme excellente et j'ai foncé. Ce livre m'a demandé 3 ans de travail. J'ai d'abord exhumé la quasi-totalité de tous mes négatifs. Et puis j'en ai scanné 500 que je considérais être comme mes meilleures photos. Certaines étaient plus qu'évidentes, mais j'ai eu la bonne surprise d'en découvrir d'autres que j'avais complètement oubliées. En fait, ça s'explique par le fait qu'à une certaine époque, j'en shootais tellement que je n'avais ni le temps ni l'argent de toutes les exploiter. J'en ai gardé un peu plus de 300. Elles sont toutes présentées avec mon bord noir personnalisé, ce qui prouve qu'elles n'ont pas été recadrées. Christine, ma compagne qui m'épaule depuis plus de 35 ans, a réalisé tout de A à Z. Le nettoyage plus le réglage des photos, la maquette, l'intérieur, la couverture. Elle a même signé la photo de la 4e de couverture, le dos du livre. Elle m'a photographié en train de shooter sur scène. Le résultat est splendide, il n'y a plus qu'à l'imprimer. C'est pourquoi Archives de la Zone Mondiale a donc monté une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank pour pouvoir financer l'impression. Nous sommes donc dans une grosse période de stress car si nous n'atteignons pas les 500 précommandes, le projet tombera à l'eau, les contributeurs seront remboursés et le livre ne sera pas imprimé. Par contre, si nous atteignons l'objectif des 500 précommandes, le projet aboutira et le livre sortira et sera en vente uniquement sur le site des Archives de la Zone Mondiale jusqu'au 31 décembre 2024. À ce jour, nous en sommes à 291 préventes sur 500, ce qui fait 58% en 14 jours. Croisons les doigts. Un dossier n'est pas un panorama exhaustif de la scène rock française comme pouvait l'être scène de rock en France. Ce sont juste mes meilleures photos étalées sur 20 ans. En fait, je suis ravi d'avoir pu travailler avec Archives de la Zone Mondiale. Notre collaboration a été exemplaire. Et je n'attends plus que votre aide en souscrivant en masse pour que ce livre sorte. C'est un livre inédit qu'aucun éditeur mainstream n'aurait voulu éditer, toute la culture indé étant sous-représentée. Merci donc aux Archives de la Zone Mondiale, merci à toi Philippe, et merci au public qui nous soutiendra. Pour finir, je vous propose d'écouter Nos Passaranes des Cadavres, sorti sur leur 2e album Le Bonheur, c'est simple comme un coup de fil, en 91 chez Oulala. Et c'est aujourd'hui plus que d'actualité. Demain, c'est la démocratie. Tu ne British Connection. Je te juge, bêta contre moi. Oulala! Neuf robins! Neuf robins! Neuf robins! Tout ce que tu es. Prison de merde, merde, merde, merde, prison de merde, merde, merde, merde, petit verrurier. British Connection. Qui déchire ton perfecto. Madame Revelation in a crisis, and so Madame Corruption in a crisis, and so Madame Confrontation in a crisis, and so Madame Confusion in a crisis. Me say en conclusion. Fuck! Me say in conclusion, secret the national. Fuck! Me say in conclusion, secret the national. Fuck! Me say in conclusion, secret the national. Fuck! Jaman, jaman, jaman, read them and be unwalata. Jaman, jaman, jaman, read them and be perturbation. Jaman, jaman, jaman, read them and be unwalata. Jaman, jaman, jaman, read them and be perturbation. C'est la troisième partie et fin de cette EP de la semaine, Manson Céliard. D'ailleurs, attention, date de concert au mois de novembre et décembre à La Roche-sur-Yon, Vannes, Morlaix et Rennes. Voici leur dernier morceau, leur dernière anecdote. Salut, c'est Thomas de Manson Céliard. Le morceau Working Man Saz a été composé via la découverte du Saz dans le groupe où Axel, que Axel a réussi à amener. Et ce morceau parle un peu d'une image que je me faisais d'Axel lorsqu'il retrouvait ce Saz et ne pensait qu'à Sazé, qu'à jouer. Voilà, c'est un morceau d'un personnage en décalage avec son environnement parce qu'il a une idée en tête. Ce qu'il a une idée en tête, c'est de jouer du Saz. Says I want a size.